l'émotion. Ouais, ouais, ouais, je suis le fils de la mélodie. Hardcore que tes oreilles répudient. Appelle-moi l'homme animal si t'es prudent et pudique. Par ma désinvolture, encore pire que Voltaire. Je m'aventure sans retenue sur vos terres. Peu importe si on n'est pas partout les bienvenus. Ma famille a toujours été victime d'a priori. De l'humanité, enfanté par la société. Tu frère de la galère et de la pauvreté. Ma soeur la violence, ma pas épargnée. Cousin de l'insolence, j'ai tout à gagner. La criminalité, une cousine éloignée. Les enfants du bitume ont les mêmes traits familiers. Ouais, je suis fissa, qui tu sais ne masse pas. Si le fissa, la mifa, la plus ficha, s'affiche à la table des restos de cœur pour des pastas. Si ce fils pour qui aujourd'hui plus rien ne va. Ma famille est là, là, là où y'a la foule, ouais. Elle est là, là, au milieu de ton système, elle est là, là. Aux quatre coins du globe, elle est là, là, et là, là, elle est là, là. Là où y'a la foule, ouais. Elle est là, là, au milieu de ton système, elle est là, là. Aux quatre coins du globe, elle est là, là, et là, là. Fils de nos ancêtres, malgré ce qu'on nous enseigne. Fils d'esclaves, mais maître de tout ce qui me concerne. Fils de l'homme, logé à la mauvaise enseigne. Puisque ouais, l'homme, ouais, après ce constat me concerne. Plus ouais, ouais, ouais, ne font pas partie de mes consignes. Ouais, frère de l'insolence, ah, emporté par la violence. Au moment d'adolescence, épaulé par cousine une chance. Je fais partie de la famille la plus complexe d'histoire. Je fais partie de ceux que souvent on déçoit. J'écris cette merde que tous les jours ma famille reçoit. J'écris cette merde que tous les jours ma famille reçoit. Je suis le fils du facteur, ami avec le fils du directeur. Pour la maille, mais traîne avec le fils du casseur. Qui s'est fait incarcéré par le fils d'inspecteur. Qui veut tous nous serrer, serrer, serrer, serrer, serrer. Ma famille est là, là, là où y'a la foule, ouais. Elle est là, là, au milieu de ton système, elle est là, là. Aux quatre coins du globe, elle est là, là, et là, là, elle est là, là. Là où y'a la foule, ouais. Elle est là, là, au milieu de ton système, elle est là, là. Aux quatre coins du globe, elle est là, là, et là, et je suis le fils de l'homme noir, qui nettoie tes carreaux. Je suis le frère du monde noir, qui est derrière tes barreaux. L'enfant de la femme noir, que ton système carotte. Le frère de la belle noir, que tu rêves de ken sur ton carrelage. C'est carré, on est scarlat de père. On s'appelle tous frères, cousins. Toi tu crois que tu frères ce la bâtard. Fraternité, je crois qu'il faut la mériter. Les ouais, bijoux de famille, on en est tous héritiers. Moi je suis l'ami le plus proche de la famille, la plus proche de ta maison. Message dans le sous, tu loues à des étrangers, c'est bien ta raison. Mais face à face, tu m'étales des exploits toutes sortes. Hey, hey, hey, je fais partie de la famille que t'as mis à la porte. Il bouge de là, simplement quand je le mate. Il prend ses jambes à son cou, mais c'est à 1000 battes. Il rate ses marches et je me retrouve face à lui. On passera son dossier au conseil de famille. Je suis ce fils si sensible qui se cache en toi. Je suis ce fils si horrible qui revient en toi. Quand les deux se fusionnent, je suis certainement ce fils un peu débile parce que troublé par tous les autres fils. Je suis ce fils qu'on gifle quand je veux être un autre fils. Parce que le fils des autres ont toujours une vie bisse. Fils de Mouloups, fils de Moukong, sous fils d'Ivoirien. Fils malheureux, fils maltraité ou fils de Donald. Ma famille est là, là, là où y'a la foule, elle est là, là. Au milieu de ton système, elle est là.